Avette. Au septième printemps, les champs sont niellés. L'été particulièrement chaud et clément s'achève sur une série d'orages. La récolte est maigre. Les premières dissensions naissent au sein de la communauté. L'autorité bienveillante de Maître Vanier de Norol est contestée. Au jour noir des morts, au cœur de la froidure, des souris dévorent les cochons de Barlette. Dans la lutte qu'il livre à la vermine pour préserver son verra, le fermier recueille une vilaine blessure à l'épaule. De la morsure avide et perfide du rongeur est née une vilaine plaie. Le bois manque. Toby se réfugie chez son voisin. Le froid, la faim, la solitude règnent sur les Sars. Mais l'hiver a emporté le cochon survivant. La solitude, je m'écoule. Donc la solitude à deux, c'est un peu bizarre comme solitude. Vous êtes 30, certes. Mais vous êtes loin de toute route. Ah, l'autarcie, plus que... Aucun chemin ne mène directement... Aucun chemin ne mène à Rome. Aucun chemin ne mène directement jusque dans votre essart. Si ce n'est une vague sente qui s'interrompt sur la grève, qui elle-même est fort distante de l'essart. Faut une demi-journée de marche pour rejoindre celle-ci. Et là, le sentier qui fut sans doute un sentier de contrebandiers d'autrefois qui mène dans la baie étroite dans laquelle mouillent les canaux qui vous ravitaillent dans celle de la baie grise. Donc, le chemin se perd ici et probablement qu'il fut le point d'ancrage autrefois à ceux qui édifièrent la tour de guet dans laquelle le maître s'est installé. Quel événement notable a affecté la vie de la communauté en dehors de ceux évoqués à l'instant en résumé du premier acte? L'arrivée du printemps qui fut l'une des seules bonnes nouvelles qui suscita une part d'enjouement général. Enfin, on pouvait semer une fois encore ses récoltes en espérant que celle-ci se ferait beaucoup plus clémente que l'année dernière. Vous attendez donc des récoltes abondantes, des semis que vous allez effectuer? Comment avez-vous procédé pour préparer cette campagne? Est-ce que les dissensions qui sont nées au sein de la communauté ont affecté la répartition des rôles au sein de celle-ci? Est-ce que les défricheurs sont demeurés tels qu'ils sont arrivés? Dans ces murs d'espèces de chaînes. Nous étions de frêles agents et nous avons pris racine ici. Ces racines que vous avez tracées dans cette terre, elles sont encore frêles. elles sont maigres. On peut les rompre facilement. Mais comme le dit l'adage, le bon bout plie mais ne rompt jamais. Et c'est dans cette unité que nous deviendrons le bambou. Comment gagnez-vous l'unité? Est-ce que vous travaillez ensemble, travaillez ensemble au champ? Pas tout à fait tous ensemble, nous sommes des petits groupes. L'amitié est née, l'affect est né de cette... un peu dans notre monde, là je reviens dans notre monde, un peu comme les sociétés amérindiennes qui, quand ils étaient parqués dans leurs réserves, ils se sont mis à s'entraider beaucoup parce qu'ils étaient un peu... ils étaient dans une misère Une grande misère. Une grande misère. Ils se sont entraidés, il y a vraiment eu un côté fraternel, et finalement ce côté fraternel, on le retrouve souvent que dans les dans des moments de misère, enfin... dans une grande société, à grande échelle, j'entends. Mmh. Là, votre groupe est restreint, l'effectif en est particulièrement restreint, et il est composé pour l'essentiel d'hommes dans la force de l'âge. Il y a très peu de femmes. Nous avons évoqué... Yves. La femme d'Yves. Et la femme d'Yves participe-t-elle activement aux travaux de la communauté comme les autres? Est-elle associée sur un pied d'égalité aux membres de celle-ci, ou les femmes sont-elles cantonnées à l'éducation? Les femmes, la femme présente pour l'instant, est-elle cantonnée à l'éducation du marmot? Non, elle vient aider, parfois c'est elle qui moule le pain. Les céréales? Qui moule les céréales pour en faire du pain, de la farine. Donc elle n'est pas que la femme du meunier. Cette charge leur incombe à tous deux. Eux aussi n'ont pas passé un hiver très commode. Alors que Yves avait gagné un large ventre, celui-ci a perdu de son superbe. Il a maigri. Tout le monde a maigri en raison de cet hiver rigoureux. Tu évoquais les semis prometteurs d'une récolte abondante, mais pour réaliser des semis, il faut des graines en abondance et des graines de qualité. Avez-vous attaché un soin particulier à votre sélection? La récolte des graines n'a pas été précipitée. Contrairement aux années précédentes, nous avons pris garde à... La récolte, justement, de l'année précédente était précipitée. Vous avez dû serrer les récoltes dans des conditions drastiques et on peut supposer valablement que... vous n'avez pas une grande quantité de graines pour réaliser vos semis, et vous avez dû soit vous restreindre sur ce que vous avez pu consommer pendant l'hiver pour avoir suffisamment de graines à planter, soit encore... Il y a aussi dans des réserves qui nous ont été affrétées... Lorsque nous avons commencé à fonder cette petite communauté, nous avons une espèce de grenier commun sur pilotis dans lequel on sert de nombreuses graines en cas justement de disette. Et c'est sur une part de ce fond, c'est-à-dire la moitié de ce qui est inséré dans le grenier, plus ce qu'on a gardé de l'été précédent, qu'on plante à nouveau. Après, ça, je pense que moi, ma vision, c'est un assolement triennal. C'est chaque propriétaire a un champ qu'il spécialise dans un domaine, et chaque année on prend la spécialité du voisin, sachant qu'on troque, c'est une sorte de troc ce qu'on fait, on troque notre excédent contre l'excédent de l'autre. Ainsi on a un renouvellement des cultures d'année en année. Et ça évite d'appauvrir les sols. Notamment les patates, qui appauvrissent beaucoup le sol. Et topinambours. Topinambours, pardon. Les cultures maraîchères dans leur ensemble, mais la culture principale pour vous tous, ça reste les céréales qui constituent la base de vos semis. Donc vous avez réalisé des semis en prélevant sur la grainerie commune. Il y a des Frogart à veiller avec soin à la sélection des graines présente dans cette grainerie, et plus particulièrement à celle qui devait finir dans vos champs. Par vos, j'entends celui tenu par Wool et le tien, puisque vous aviez décidé de vous associer pour cette nouvelle campagne. Vous aviez pris engagement dans ce sens. Elle a trouvé des graines d'une forme de toutes petites graines striées, profondément torturées parmi la récolte que tu avais réalisée. Elle a tenu à te les montrer, et elle a proposé de les ressemer. Ils ne disent pas grand chose. Jamais j'aurais écouté ça. Mais tu n'en avais pas conscience. Ça faisait partie de ce qui a été battu et conservé. Et elle t'a proposé dès lors de les planter dans une zone particulière de façon à voir ce qu'elles pourraient donner et quelles variétés elles vont permettre de voir naître dans le champ. C'est une femme qui est tout entière investie des préceptes d'Ahavet. Elle demeure à sa place, mais témoigne d'une farouche volonté en toute chose et d'une grande constance dans son action. Nous l'avions évoqué auparavant, elle a participé activement aux travaux de réglage du moulin. Elle préside à la meule plus souvent que son mari. Et de fait, son mari est plus souvent avec ses fils qu'avec elle. Comment la considères-tu pour ta part? Comme la femme de d'Yves, comme la membre d'une une espèce d'associé, membre d'un d'une espèce de, là le terme est, c'est pas la réalité, mais je, collectif commun, un collectif qui s'entraide en les temps en dur comme ceci, avec Wool, Yves, sa femme, ses enfants et moi-même. Nous sommes donc 5. Vous êtes en l'occurrence, vous êtes demeuré, vous constituez une communauté au sein de l'Essar, une communauté plus étroitement soudée entre vous que ne le sont qu'avec le reste de la communauté. Alors, je saurais pas dire si on devait le transposer dans notre monde. Ce serait une espèce plus de petite association, mais pas aux grandes ambitions, juste une petite association. C'est pas pour autant ça n'a aucune visée communautariste ou autarcique, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Mais c'est une espèce de société dans la société. Elle s'est établie de fait par le travail, par l'abnégation que vous avez dû consentir, est-ce cela ? Oui. En revanche, dans cette société dans la société, on ne peut pas dire qu'il y ait de chef ou je ne sais, que sais-je, qui relève du pouvoir. Le pouvoir est commun, il est partagé entre tous les membres et... Néanmoins, Yves a montré par le passé une forme d'indépendance qui a été la première témoignée à l'égard de l'autorité du maître. C'est le premier à s'être singularisé. Il en a d'ailleurs été récompensé, puisqu'il a la charge désormais du moulin. Elle lui est échue alors même qu'il avait s'était dérobé au sens en évoquant la charge que représentait pour lui sa famille en devenir et qu'il ne pouvait honorer le sens commun et conclu dans les termes qui s'appliquaient aux autres. Il a un caractère abrupt. Wool, son cousin, est taiseux, mais il est plus ouvert que ne l'est Yves, qui reste sur les principes qu'il a arrêtés en son fort intérieur. La différence tient au fait que il témoigne immédiatement de son éventuel désaccord ou de son interprétation. J'entends par là Yves. Tandis que Wool aurait tendance à ne rien dire et se contenter de complaire à son interlocuteur. Tu n'as pas l'usage quotidien des livres. Dans ta solitude singulière, celle de ne pas croire aux préceptes d'Avet, croire aveuglément, c'est ce que tu me confesses, n'est-ce pas ? Tu respectes ceux qui témoignent de leur foi, comme... Oui. La promise de Wool Fisk, la jeune violette boise. Une ambrosienne dure à la tâche qui t'a accompagné dans l'âpreté de cet hiver de privation. Une nouvelle bouche à nourrir dans votre petite communauté. Comme tu as pu le souligner, mais une personne pleine d'un dynamisme enjôleur, toujours prompte à laisser s'épanouir un rire sans arrière-pensée, un rire volontaire sur la dureté même de vos vies. Et tu ne suis pas les préceptes, mais tu te recueilles avec les autres lorsqu'ils se recueillent. Tu as aussi entendu lire les préceptes d'Ahavet. Tu as entendu les dits à Massin et à Aaron. Et tu as entendu ce qu'était le Motsi Chemra, cette impureté que l'on prête à ceux dont une plaie, une dartre tache la peau. Alors ils sont soumis au jugement des Lévites et les sacrificateurs d'Ahavet, ceux qui portent la question dans les campagnes, éloigneront l'impur de la communauté pour qu'il ne la gangrène pas. C'est le Motsi. Motsi Chemra. C'est ainsi que cela s'écrit dans l'alphabet ancien et antique qui prévaut dans tout le royaume et qui est le support des dits d'Ahavet. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de Motsi Chemra sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de Motsi Chemra. Le sacrificateur qui aura procédé à l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Prends garde à la plaie de la Motsi Chemra afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les lévites. Vous aurez besoin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Ainsi s'est exprimé Ahavet. Et cette phrase, tu la tournes et retournes dans ta tête depuis que une simple morsure, une petite infection bénigne qui a roidi ton épaule, a diminué ton entrain, a coupé le petit bois au cœur de l'hiver. Mais tu fus bientôt secondé par la main secourable de ta charmante voisine. Et cela a notablement compensé. Toutefois, tu te dis et redis que du noir qui s'étend telles les branches, les vieilles branches des hommes, des ormes, qui saignent les sars, les plus vieilles branches, celles où les feuilles sont toutes desséchées, mais qui reste en place, eh bien ta plaie, après le noir qui apparaît et qui strie l'écorce, de petits signes comme les signes d'arêtes sur les plus vieux arbres de votre ormai, vous trouvez ainsi des marques. D'aucuns disent que c'est là la marque d'avette. Ce sont des arbres purs. C'est comme ça la marque d'avette ? C'est la phonétique. Non, ça c'est la phonétique, c'est pour la prononciation. C'est sous l'écorce de ces vieux ormes, là où le bois est toujours présent et noirci, on voit au travers de l'écorce des signes comme ceux que l'on trace dans la langue d'Avette, dans l'alphabet qui a cours dans le royaume. Et sur ta peau, sur ton épaule, la trace de la souris est devenue blanche. Ça veut dire que je serai enfermé que 7 jours, youhou! Ceux qui ne seront enfermés que 7 jours, selon le principe, c'est ceux dont les poils ne seront pas devenus blancs, ceux dont la peau ne sera pas creusée par la dartre. Or, à mesure que le temps passe, la plaie s'est muée en infection, puis en affliction. La peau est devenue dure au toucher, telle l'écorce d'un arbre. Elle a blanchi. D'abord, elle est devenue grisonnante, puis blanchie, et on distingue les veines au travers comme les noirs traits qui apparaissent sous l'écorce des ormes. Et c'est devenu une boule, une protubérance sur ton épaule. Elle n'est pas douloureuse, non? Parfois, mais elle te gêne. Mal, mais en règle générale, elle ne me fait rien. Et je prends soin de cacher cette blessure sous chaque fois. Lorsqu'il m'est possible, je revais des tenues qui cachent entièrement ma blessure. Et si, notamment, je peux prendre des manteaux, mais qui ne sont pas forcément uniformes, le plus de matière sera sur la blessure pour la dissimuler le plus possible. Ta blessure s'étale à mesure que les jours s'allongent. Elle gagne comme les nodules qui poussent à la naissance d'un embranchement. Elle se ramifie, gagne en épaisseur, en rugosité. Elle blanchit toujours plus tout en maintenant quelques cratères où transparaissent les veines qui l'irriguent et qui apparaissent noires sur le fond gris, blanchâtre, qui acquiert la couleur même des sels qui vous sont transmis par canaux. Pourtant, tu prends bien ton sel, tu y veilles. Le sel que vous octroie votre tenure. Chaque mois, avec le canot, arrivent les fioles de sel. Le liquide blanchâtre dont on prend une dose chaque jour pour se prémunir des maux et du fléau. En récitant l'édit d'Avette. Tu ne récites l'édit d'Avette que lorsque quelqu'un est avec toi, mais tu prends soin de toi. et tu as jamais manqué de boire ton sel. Yod avait amené du bourg dont elle est originaire une forte réserve de sel qui a permis à la communauté de ne point manquer de sel si elle a manqué de tout autre de tout ce dont elle avait besoin par ailleurs au plus fort de l'hiver. Mais le sel avant tout c'est fait pour... C'est un conservateur, c'est le seul conservateur naturel que tu trouves dans la nature. C'est un sel particulier qui vient de la baie grise. C'est un sel impropre à la conservation d'aliments. Parce que je sais que notamment les... Enfin, jusqu'à temps qu'il y ait l'invention du frigidaire... on utilise... Réfrigérateur. Je sais que c'est le bon mot, mais je t'embête en disant ça. On mettait du sel sur les mets qu'on ne consommait pas. Pour les conserver, oui. C'est le meilleur conservateur naturel. Choisis donc tu de terre. Oui, parce que ma blessure est autre. Ton affliction. Ma blessure étant trop avancée, je risque d'être considéré comme un impur et cela ce serait un coup à perdre mes terres. Notamment le seigneur Vernier serait sûrement de l'avis de me chasser pour... Il s'y verrait sans doute contraint. Un impur ne peut rester... Tu n'en as pas côtoyé, mais on dit que les impurs demeurent qu'entre eux et que les Lévites veillent scrupuleusement à ce qu'ils ne n'importunent pas les purs qui respectent les principes d'Avet. Inquisition espagnole ? Bonjour. Vous réalisez les semis. Il faut retourner la terre. Tu as de grandes difficultés à retourner, à pousser le soc dans la terre qui est sèche. Il n'a pas plu... À l'instar de la septième année, pour cette huitième année, quoique les cieux soient pleins de nuages, annonciateurs de pluie, aucune ne tombe et la terre demeure sèche, dure et friable. Friable mais pas meuble pour autant, il faut creuser un sillon profond si l'on veut que les semis ne soient pas... volé par la vermine volatile. Cette entorse à la droiture exigée par les Lévites l'orthodoxie, au regard des principes d'Avet, contribue à t'ériger en solitaire au sein de cette petite communauté, mais... Personne ne le voit. Tu veilles, je suppose... Je l'ai dit, tous mes vêtements... En dehors de cela, tu n'en fais la confidence à personne. Non. Je dis que ma blessure est... guéri aux quelques curieux qui me demandent comment se porte ma blessure. Aucune exception à ce principe ? Aucune. Aucune. Pourtant, la maladie frappe. La maladie t'affecte. Et Les sentiments et les circonstances ne se commandent pas. On va dire que je reviens dans une phase seconde, dans la... enfin, une mauvaise passe comme je l'étais dans ma jeunesse, même si c'est faux, personne me connaissait avant. Tu l'as dit toi-même, je suis inconnu au bataillon. Enfin, je suis devenu connu au bataillon seulement pour aider à la déforestation. Mais j'ai pas... des fricheurs. Oui, mais... Une grande proximité s'est installée entre toi et Violette. Je sais. Même à elle, tu ne saurais... Je sais qu'elle est pieuse. Non, c'est Yod qui l'aime. Violette ne témoigne d'aucune conviction ostentatoire et elle n'est pas à murmurer des « préserve-nous du mal, Avet » ou « par Avet » ou « et nous en ta sainte garde ». Tout cela est absent de son langage, ce qui n'est pas le cas d'Yod. Elle est... franche et habitée d'une force qui te séduit par la grande proximité avec celle-là même qui t'habite. Mais peut-être est-ce la raison pour laquelle tu t'en caches encore plus auprès d'elle. Puis elle peut très bien le dire à quelqu'un d'autre et... Toutefois, elle est dans la confidence de l'origine de la blessure et... des difficultés que tu as eues à couper du bois et où elle t'a si volontiers aidé. Oui, mais... Je ne vais pas faire d'exception et une exception serait... un moyen de justement de me tirer plus une balle dans le pied... suffit de pas le montrer outre mesure et de dire qu'elle s'est soignée pour faire retomber une bonne part de la tension qu'il pouvait y avoir sur moi. Vous travaillez avec constance à la terre, comme je le disais, tu peines derrière le soc, ton bras sans te faire souffrir. Ton bras droit te manque, ta dextre ne peut fournir toute la force exigée dans ce champ. Lorsque la douleur ou la frustration sont trop fortes, à quoi recours-tu pour... te dérober à la vue et à l'attention de tes proches? Par proche, j'entends Wool et sa promise. Yves étant plus distant et le plus souvent avec ses enfants, Yod ayant une attention flottante sur ce genre de détails, elle s'attache moins aux personnes et plus à la fois ou curieusement aux aspects concret, la première était à commenter tes sillons peu profonds. Oh, ce remède d'une mauvaise toux, ma cousine a tout de suite commenté avec gentillesse Violette. Et dès le lendemain, tu l'as vu au petit matin. Derrière le soc a creusé un peu plus le sillon que tu avais retourné la veille pour lui donner meilleure allure. Elle est jeune et spontanée et c'est un honneur que pour toi savoir que sur elle tu peux compter. Donc, où te réfugies-tu lorsque tu sens que tes forces sont par trop absentes, te fuis? Je ne suis pas outre mesure, il me suffit notamment d'aller dans l'étable, ce lieu où plus personne ne va. Elle est actuellement à l'abandon. La porcherie, tu veux dire? Oui, c'est une étable. Porcherie, étable, c'est la même chose dans les faits. Enfin, c'est juste que ça accueille pas la même population, c'est tout. Voilà, elle accueille une nouvelle population. Tu n'as plus la compagnie de tes cochons, mais un groupe d'écureuils s'est réfugié pour échapper aux rigueurs de l'hiver et s'est installé sous les solives. Il a établi son nid, tu trouves une multitude de coques, de graines disséminées, et tu les observes avec plaisir, et ça te redonne du cœur à l'ouvrage, n'est-ce pas? Et puis il dégage une belle odeur, ces petits compagnons roux qui t'accompagnent dans ta solitude et qui... t'insuffle une nouvelle énergie. Tu les observes avec plaisir courir sur les poutres, jouer, perdre leur récolte, mais pas comme toi, tu as perdu la tienne. Et se réfugier lorsque, à un moment donné, tu veux trop les approcher, se réfugier dans leur... précieux bois. J'ai vu l'image. C'est l'image. Dans l'assemblée des ormes. C'est l'image que t'avais pour Mathieu, où tu l'as mis en noir. L'image pour Mathieu que t'avais montré dans. N'importe. Elle est en noir. Elle est un peu. Il en est un petit nombre, un petit groupe qui viennent nicher ainsi tout près de toi, au-dedans même de ce qui fut la maisonnée de tes amis, les cochons. Il n'y a plus de traces d'eux, l'odeur même a déserté, c'est l'odeur musquée de ces petits rongeurs qui maintenant... embaume ta maisonnée, va jusqu'à l'intérieur de la maison. Il s'y risque probablement pendant que tu travailles au champ, plusieurs fois, alors que vous preniez une tisane pour vous réchauffer après l'effort avec Violette, tu l'as vu d'un air absent, tripotait une coquille abandonnée sur la table que tu avais cirée la veille, une petite coquille oubliée par ces petits êtres espiègles. Est-ce ainsi que tu caches la force de tes sentiments à Violette? Oui. Pour autant, elle est, même si vous travaillez souvent à trois, son époux, son futur époux, s'emporte vivement lorsqu'elle ne comprend pas ses ordres, ses instructions à demi marmonnées depuis l'obscur du champ. As-tu pris sa défense? Est-ce que l'injustice te pèse à toi, Barlette? En partie, mais je n'ai pas pris d'une manière très tranchée le problème. J'ai été plutôt évasif et chaque fois, j'essayais d'une part de réexpliquer à Violette d'une manière détournée pour qu'elle comprenne, sans que son mari ne comprenne que j'étais en train de reformuler, et de calmer certaines fois l'énervement de Hull. Oh, Hull s'apaise de lui-même. Lui, il s'éloigne lorsqu'il est vraiment fâché, lorsque le sillon a été tracé en dépit de ce qu'il devait être, au nez à la barbe des corbeaux qui viendront déterrer les graines, selon lui, dès que vous aurez le dos tourné. Il se réfugie auprès du vieux mausolée, ce qui reste de ce que fut autrefois l'installation de les ruines sur lesquelles s'est bâti ce qui maintenant est le manoir du maître. Un mausolée croulant, couvert de mousse, de lichen, abrité sous un orme majestueux et ceinturé d'une haie vive de petits arbres aux branches torturées, aux feuilles pointues. Ils sont les seuls à pousser alentour. Un petit boqueteau qui ceinture l'édifice le cache à la vue immédiate du promeneur. Et ce sont là des graines qu'un marcheur de l'obscur a confiées à Cray Bord, le majordome du maître, qui veille à l'entretien du domaine et qui a planté, outre ce boqueteau, a planté moult massifs de fleurs qui réjouissent la vue autour de la maison. Des fleurs aux couleurs éclatantes, sitôt le printemps venu. Moul n'est pas un mauvais bougre, il revient souvent après avoir volé justement quelques fleurs, avoir chapardé quelques fruits dans la resserre du maître pour les confier à sa promise. Le printemps est riche de petits événements qui n'en sont pas, qui viennent égayer votre quotidien. Mais tu sens que les sentiments de Violette à ton égard ne sont pas ceux que Avette prête à une épouse. Je suis pas dans le caca. Pour Wool, elle l'apprécie et elle fait d'incommensurables efforts pour répondre à ses attentes, mais d'évidence, ce n'est qu'avec toi qu'elle se sent bien, et vous passez de longs moments à vous épier l'un l'autre, de longs regards échangés. C'est l'opération fuite. Tu te dérobes, mais pourtant, comment faire pour ne pas céder? J'ai dit que la maladie frappe, mais il en va de même de l'amour. Elle te confie. Sois à moi une nuit. Je pourrais être la femme de Wool. Les apparences seront sauves, mais ma soif de toi sera apaisée. Rejoins-moi dans ton étable cette nuit. Lorsque mon futur mari se sera assoupi, rejoins-moi. Ne te dérobe pas, je sais que tu partages un peu de mon affection et que toi aussi tu éprouves quelque chose pour moi. Peut-être pas aussi intensément que je l'éprouve pour toi, mais ainsi je serai guéri car j'aurai été ravi, ne serait-ce qu'une nuit de ta présence. On se laisse sur ce gros dilemme. Sais-tu aux avances de la charmante Violette Syntaxe erreur. Quelles sont les forces qui te permettent de résister au charme qui émane de la donzelle? J'en sais rien, moi. Elle te dit, tes amis m'ont parlé. Ils m'ont dit qu'ils surveilleraient notre nuit, qu'ils béniraient notre union. Nous serons parmi tes petits écureuils et nul ne viendra troubler notre félicité. Allez, viens. Oui, on va jouer au timer. Cette proposition, elle te l'a fait au crépuscule, alors que l'ami Wool est parti chercher du bois pour la nuit, le petit bois, et donc vous allez prendre votre soupe du soir. Les poids cassés embaument la maison. Je lui glisse une manière détournée, mais qu'elle comprendra, j'imagine, que c'est contre les principes d'Avette et que je ne peux pas me résoudre à faire cela. Je sais que tu n'as cure de ces principes. Au royaume fermé, qu'il soit à jamais oublié. Nous savons tous deux combien nous brûlons d'envie de céder. Pas moi. Tu vois une larme poindre sur sa joue. Vous installez pour la nuit. Une nuit que tu passes en songeant et en guettant le moindre geste de tes voisins de lit. Car vous partagez le coucher. Elle quitte le lit bientôt. Tu sens le froid dans le lit. Wool bouge, saisit son chien puant, s'installe confortablement contre lui qui grogne, grommelle dans un demi-sommeil et se rapproche de son maître. Qu'as-tu à opposer à Alors. Au charme de la donzelle, je répète ma question. Déjà. Est-ce dans ton attitude que... Il y a une part d'attitude. C'est humainement réalisable. Je risque le tout pour le tout. Enfin, je peux risquer le tout pour le tout. Ensuite, des traumatismes, c'est quoi déjà ? Alors... Les vocations, non. Des emprunts. Si le personnage utilise des emprunts, de ses empreintes, un pouvoir d'emprise. Un allié marqué par... Te résous-tu à révéler... Je ne vois pas dans l'humainement possible, parce que j'ai dit que toute la sève montait en toi. Donc, je te refuse ce dé. Il s'explique par les circonstances et le rapprochement qu'ont connu vos corps et vos âmes. En revanche, le dé d'attitude, je peux te l'accorder. Le dé d'empreinte, il joue contre toi. Ou il joue pour toi, au choix. Il jouerait contre toi dans la mesure dans une mesure que je n'expliquerai pas, et jouerait pour toi dans la mesure où tu consentirais à révéler la nature des séquelles de la morsure à ta douce amie Violette. Ouais, je consens à lui dire si ça permet qu'elle arrête de... Ah, on verra dans quelle mesure. Donc moi, j'ai le dé de la menace et j'ai ton dé d'empreinte. Il joue pour moi aussi. Pourquoi il joue pour moi aussi ? Parce que elle ne t'en aime que plus, car le temps des hommes vous est alors compté. Elle est convaincue qu'il faut préserver la flamme de vie qui est en toi et... Complètement starbé, oui. Donc... 3. 3. Je sens... Ah, 3. On est à peu près à égalité. 1. Non, il est dans le... Bah, il est cassé, il s'est jeté contre le dé. Non. Bah si, je suis désolé. Il était dans la piste, Mathieu Gabriel. Mais il n'y a pas que quand il n'est pas dans la piste qu'il ne fonctionne pas. Ah, il n'était pas cassé, il n'était pas... Il était bien installé sur l'autre dé. Hein. Il a fait choum dans le dé. Oui, mais il était bien... Si tu veux, je les sors, je t'accorde avec... magnanimité, un deuxième dé qui te vaut une empreinte. Alors, comment ça s'empreinte? Qui te vaut une empreinte. Tu as vraiment raison de jeter ce dé, parce que là, tu l'emportes. Hein. L'empreinte qui te donne une empreinte. C'est... Bon, je réussis auprès d'une empreinte. Tu réussis auprès d'une empreinte à résister à la tentation de la rejoindre. Et tu lui susurres à l'oreille que tu ne peux pas, car le Motsi Chemra, la Motsi Chemra est en toi. Tu es impur. Et elle te dit que elle l'est aussi. Et que probablement, elle ne vivra pas jusqu'à l'hiver prochain. Elle gagne... ce qui fut la porcherie. Tu entends les écureuils courir sur les solives. une bonne partie de la nuit. Et les efforts de la journée ont raison de tes dernières forces. Tu t'endors pour t'éveiller et constater qu'elle est sur toi, qu'elle te chevauche. Et que tu réponds à ses ardeurs avec une douceur que tu ne te soupçonnais pas. Quelque chose de d'étrange et merveilleux est né entre vous. Au matin, tu t'éveilles dans le lit. Tu es allongé sur celui-ci. Un petit écureuil est lové sur ta poitrine. À côté, le chien ronfle, de même que son maître, les bras écartés, le regard vers le plafond. Un regard vitreux, à demi ensommeillé. Sa main tapote la couche à la recherche de sa promise, qui n'y est pas. Tu te redresses, tu regardes, nulle trace d'elle dans la maisonnée. Elle est dans la porcherie. Fin de l'acte.